2. Conjugaison des verbes avec l'infinitif en AYER, OYER et UYER. Payer. Je paie en espèces. Je paye en espèces. Tu paies l'addition. Tu payes l'addition. Ils, elles, ont paie par carte. Ils, elles, ont paye par carte. Nous payons la facture. Vous payez par chèque. Ils, elles, paient cher. Ils, elles, payent cher. Envoyer. J'envoie une lettre. Tu envoies un paquet. Il envoie un mail. Elle envoie un mail. On envoie un mail. Nous envoyons un colis. Vous envoyez un SMS. Ils envoient un fax. Elles envoient un fax. S'ennuyer. Je m'ennuie. Tu t'ennuies. Ils, elles, on s'ennuie. Nous nous ennuyons. Vous vous ennuyez. Ils, elles, s'ennuient.